Bonjour. Ah, bonjour Charlène. Salut Nadia, comment vas-tu? Bien, bien, merci. Et là, c'est la petite Yuna. Yuna, c'est joli. Elle est née samedi, c'est ça? Oui, samedi, le 14 juillet. Ça a été une vraie fête. Il n'y a pas eu de problème? Non, non. Tiens, c'est pour toi. Oh, c'est gentil. Des chocolats. Ah bah, c'est bien, ça va me donner de l'énergie. Et du magnésium. Merci. Je t'en prie.